Ouais. C'est ça que je vous reproche, bande de folles. Eh ouais. Vous regardez plus l'homme. Vous regardez le matériel maintenant. Bon, ça fait longtemps, mais bon. Voilà quoi. Moi, les fosses, ma Rolex, personnellement. Je suis en location, la famille. Voilà. Sachez que moi. J'suis pas Snoop Dogg, pas sous coque. C'est comme ça l'ami, pousse-toi. T'es ouf toi, ne me fais pas la bise, je flippe pas. On me nique pas, eux je les sens venir, tu es bizarre. Qu'est-ce qui se passe, t'as quelque chose à me dire. C'est ta femme, elle se casse, c'est que t'as pas le goût de rêve. Veux du Gucci, elle a beaucoup de charme. Elle aime le goût de rêve, tu me cherches la guéguerre. Je le vois, je le sais, je t'aime pas, tu m'aimes pas. Je crois que tout le monde le sait, je vis ma vie, je suis comme un autre. Je sais que l'enjeu me note, c'est plus les flics. Maintenant c'est les femmes qui veulent te mettre les menottes. Je nique les gars, alors qu'il est, j'ai nique le rap, nique les maths, on respire vrai, le reste on m'a dit ne calcule pas. Dès que je fais le million, je vais m'équiper. Vous allez plus me voir, je vais m'éclipser. Moi je fils, faut pas glisser, faut pas sucer pour un 10-2. On m'a dit ça vend des 10-2. Tu parles de toi et ils disent que tu vas pas tenir, je vous dis t'inquiète, je les baisse en maison de 10-2. J'suis trop traîné à la cité, je peux plus me les voir ces bâtiments. Je peux plus sortir tranquille, trop de schmides qui tournent en bâtiment. J'essaie de raisonner les pines, on dirait que je leur parle en chinois. Dans leur tête c'est le cinéma, pas besoin que je fasse un schéma. Je fais pas de salope qui m'entoure. Vous pouvez vous tailler, pas de traite, pas de menteur. Il faut retailler des pipes et des pipes. Ces petits cons ils méritent des chiffres gros. Je sais qu'ils me jalousent, mais sur pépé, je sais qu'ils me kiffent trop. C'est trop là, faut que je me lâche, faut que je m'arrache, que je trouve un calage. Je me sens jalousé, faut que je prenne une calage. Nique ta race, quand t'es bon calicher des châteaux d'Alas. Pour protéger le charbon avant les flics, fallait les caillasses. Putain plein, au charbon, gros, faut que ça calasse. Tu peux me voir poser au check en Algérie avec chez Pralas. À l'aise, encore 3 ans de rap, j'achète un palace. C'est qu'un prix, diront toujours que l'instru est salace. Pas 10 heures à parler, faire des menaces. Tu m'as pris pour qui gros, tu crois que j'ai ton âge. Je taffe des fois des heures, tu peux le voir à mes yeux. J'suis pas du genre à me laisser faire, et oui mesdames et messieurs. Vous aimez ça, je vous raconte la vie, je reste vrai dans mes messages. Me parle pas de tes soucis, j'aime, je compte pas, je reste sage. Je reste sage. Je reste sage. J'oublie mes soucis que quand je me balade. J'ai fait du buzz, ils sont jaloux, je les vois, ils sont malades. J'suis dégoûté frère, ils racontent des salades. Ça fait des némanes pour braquer de la pointe à rose et galade. Ouais yo yo yo. Raconter ma life, toi tu mens, c'est ça que je te reproche que tu me balades. Ça y est, vous m'avez mis le démon. MC sur cette mesure, je t'insulte démon. Ah, tu veux me bacouler? Ben va te faire enculer. 3-5, je suis matriculé, je fume des pets plus gros que mes doigts. Je croise des poteaux à la gratte, je les vois en stun sur le trottoir en train d'esquiver la batte. Toi je vois que tu me lèches les bottes depuis que j'ai mon CD dans les bacs. J'suis trop traîné dans mon bloc, coincé dans le check à patte. Regarde-moi, je suis triste là, c'est mon état. On ferme ta gueule, poteau, on parle pas quand on ne sait pas. J'suis comme toi, moi, je rêve d'un monde meilleur. Les petits m'ont dit c'est réel, donc ils servent de la peste, mon seigneur. Et vas-y, cab, cab, fais jouer le frein. Et vas-y, parle, parle. Chante-moi ton refrain, mon rap pour mes frères. En bas des blocs qui te servent, qui fuck le commissaire parce qu'ils savent que c'est la misère. Tu me regardes bizarre, j'suis pas Lil Wayne. Oui, pourtant je vise loin. Je fais ce que je veux, je m'en bats les couilles, c'est ma vie. Je fais ce que je peux, la retourne, tout va vite. Faut assumer, faut faire la pute quand y'a des blèmes. Ne confie jamais à ton ennemi tes joies et tes peines. MC, si je veux, je te punis, je te finis. Mais je te ferai plus de buzz qu'autre chose, donc je vais m'abstenir. Fais pas le gros qui vend la drogue, t'es drôle. Genre t'as pas faim, mais tu me dragues et t'es folle. Fais pas le mec parce qu'y'a des gens qui t'épaulent. Pour des sous, tu changes de fusil d'épaule. Fais pas le gros qui vend la drogue, t'es drôle. Genre t'as pas faim, mais tu me dragues et t'es folle. Fais pas le mec parce qu'y'a des gens qui t'épaulent. Pour des sous, tu changes de fusil d'épaule. J'oublie mes soucis que quand je me balade. Tu fais du buzz, ils sont jaloux, je les vois, ils sont malades. Tu dégoûtes des frères, ils racontent des salades. Ça fait des némanes pour braquer de la pointe à rose et galade. Ouais, yo yo yo, ce que je raconte c'est ma life. Toi tu mens, c'est ça que je te reproche que tu me balades. Eh ouais, mais c'est ça que je te reproche. Il a fait plus de son que Tupac Shakur. Mais où va le monde? C'est ça que je te reproche. Il envoie des CD comme le météore de Pégase. Et bim. C'est ça, bande de folle. Rajoul. Eh gros, je vais prendre la retraite quand? Je peux la prendre maintenant gros. C'est ça que je te reproche. Même les roumaines, les roumaines au feu rouge, ils ont ton son. C'est ça que je te reproche. Jusqu'à où tu vas aller? Eh, comme j'ai dit. C'est la crise au Mike mec. Tu l'as vu celle-là ou pas? Et bim! Voilà, c'est la crise au Mike mec. Liga One, bande de folle. Le turfus, frère. J'oublie mes soucis que quand je me balade. Tu fais du buzz, ils sont jaloux, je les vois, ils sont malades. Tu dégoûtes, frère. Ils racontent des salades. Ça fait des némanes pour braquer de la pointe à rose et galade. Ouais, yo yo yo. Ce que je raconte, c'est ma life. Toi, tu mens, c'est ça que je te reproche que tu me balades. Ouais, sans s'aimer sur l'autoroute, c'est ça que je te reproche. Bande de folle. pas succéder à ta grand-mère pendant que tu es là.